l'Allemagne, où j'écoute la pluie en vacances. D'Allemagne, où j'entends le rock en silence. D'Allemagne, où j'ai des souvenirs d'en face, où j'ai des souvenirs d'enfance. Lénine Platz et Anatole France. D'Allemagne, l'histoire passée est une injure. D'Allemagne, l'avenir est une aventure. D'Allemagne, je connais les sens interdits. Je sais où dorment les fusils. Je sais où s'arrête l'indulgence. Ah, puis d'Arsène. J'ai des histoires d'amour sincères. Je plane sur des musiques d'Apollinaire. L'Allemagne, le romantisme plus violent. Les violons jouent toujours plus lent. Des valses viennoises ordinaires. Oh, vie d'Arsène, Lili Marley. Eine kleine Wildblume, eine Flamme, die zwischen den Wolken blüht. D'Allemagne, j'ai une petite fleur dans le cœur, qui est comme l'idée du bonheur, qui va grandir comme un arbre. Ah, wie der See!